Imagine Hunter. Roi de la jungle urbaine, toutes les nuits tu changes de reine. Les femmes, tu sais les ferrer au point d'eau ou au point G. Vagina Hunter, auto-bronzant et sourire rageur. Vagina Hunter, les femmes sont tes proies et c'est toi le chasseur. Sur la brèche, toutes les nuits, pour ne pas rester seul dans ton grand lit, tu lustres ta carte bleue. Ce soir, tu sors le grand jeu. Vagina Hunter, auto-bronzant et sourire rageur. Vagina Hunter, les femmes sont tes proies et c'est toi le chasseur. Pour avoir un numéro, tu es prête à tout. Et voilà le super macho qui se change en gentil toutou. Vagina Hunter, auto-bronzant et sourire rageur. Vagina Hunter, tu te prends pour le roi, mais tu pues la peur. Vagina. Merci. Et désolé les mecs si je vous ai cassé votre cou ce soir.